Je suis architecte, c'est mon métier. Il faut que j'embauche des artisans pour exécuter un chantier. Mais ça va paraître évident, car des artisans, oh, des artisans, oh oui, des artisans. Le charpentier me casse les pieds. Le plombier n'y connaît pas son métier. L'électricien y connaît le sien. Et le peintre, alors lui, le peintre, vraiment, il craint des artisans. Oh oui, ah, des artisans. Oh, des artisans. Oh, oh. Le couvreur se tâte sa sœur. Le plâtrier, lui, il pue les pieds. Le maçon est un gros couillant. Et le carreleur, alors lui, c'est un vrai branleur. Les artisans, les artisans, les artisans, les artisans. Oh oui, oh oui. Oh, les artisans. Le terrassier me fait bien rigoler. Le jardinier se fait pousser de quoi fumer. Le menuisier dort toute la journée. Et le cuisiniste, alors lui, c'est un vrai autiste. Les artisans. Oh, les artisans, les artisans. Oh, oh là là là là. Les artisans, les artisans.